l'espace d'un plan de la vie, il y a on me croit en tout. Ce n'est pas par hasard que les chrétiens, autrefois, se donnaient des lieux pour célébrer le pardon et la réconciliation